Il est de coutume de dire que l'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans. Au-delà de 200 mètres de profondeur, moins de 10% du relief des fonds marins serait connu. On a longtemps cru que c'était une zone azoïque, dépourvue de toute vie, du fait des conditions extrêmes de pression, de froid et d'absence de lumière. C'est en fait tout l'inverse. Les abysses sont peuplés de multiples organismes, dont certains survivent dans des conditions extrêmes. Que sait-on de la vie dans les océans profonds ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour regarder au fond de l'abysse avant que l'abysse ne regarde en nous, nous avons le plaisir d'accueillir à la surface Claire Nouvian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Bloom. Nous sommes également avec Françoise Gaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste CNRS, spécialiste des écosystèmes profonds océaniques. Vous coordonnez par ailleurs le conseil scientifique de la plateforme Océan et Climat. Et vous partez demain à la COP22 qui a commencé hier à Marrakech. Nous sommes par ailleurs, comme chaque jour, en direct sur Twitter. Vous pouvez nous suivre sur le compte @laméthodefc. Alors pour commencer, je le disais dans la présentation de l'émission, on connaît plus en détail la surface de la Lune ou de Mars que les fonds océaniques terrestres. C'est encore vrai ça ? Françoise Nouvian, Claire Nouvian, pardon. Françoise Nouvian. Françoise Gaille, je me suis embrouillée. Claire Nouvian. Oui, ça reste tout à fait vrai. On a exploré in situ très peu des fonds marins. Hein. Évidemment, il y a 60 000 km de dorsale autour de la planète. On a regardé peut-être de près une centaine ou quelques centaines de kilomètres. Nous, on avait calculé avec un ami chercheur américain, Les Watling, qu'il y avait moins de 1% des océans profonds qui avaient été échantillonnés. Vous voyez, ça laisse encore beaucoup de place à l'inconnu. Et quelle connaissance on en a? Parce que, alors, il y a l'exploration directe, mais on en a tout de même un aperçu grâce notamment à la vision satellite, Françoise Gaille. En ce qui concerne la vision satellite, c'est plutôt la surface de la mer plutôt que le fond des océans. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à avoir une vision un petit peu sérieuse, disons, et complète du fond des mers. Je pense qu'il y a vraiment une technologie à développer dans l'avenir concernant cet aspect-là. Mais néanmoins, je pense qu'il faudra toujours aller voir vraiment qui est là. Quelle est la précision, parce qu'on a tout de même une sorte de cartographie grossière de ces fonds marins, ou est-ce qu'on est complètement dans le noir comme on peut l'être à cette profondeur-là? Non, il y a une cartographie même assez fine. Hein. Après, la représentation morphologique et topologique, elle va pas forcément nous donner une interprétation précise de la façon dont s'organisent les écosystèmes, les interactions du vivant, notamment d'un point de vue physiologique, chimique avec leur milieu, les espèces entre elles. Ça, on est encore quand même vraiment dans l'inconnu. On connaît bien plus de choses aujourd'hui qu'il n'y a que, par exemple, il y a 40 ans. Là, 40 ans, il y a 50 ans, on était vraiment dans l'inconnu le plus total, puisque la découverte des monts hydrothermaux, donc les sources hydrothermales, la chimiosynthèse, c'est 1977, hein, c'est-à-dire, c'était hier, enfin, c'est rien. C'était hier. Donc, bien sûr, on connaît des choses, mais en fait, Théodore Monod, qui s'était intéressé un peu aux grandes profondeurs, il disait de toute façon, la vision, la compréhension qu'on a des milieux profonds, elle correspond à celle qu'aurait un martien qui serait allé échantillonner la planète à travers une couche de nuages avec un grappin. Il aurait ramené au-delà des nuages une rose, un soutien-gorge, une cuvette de toilette. Qu'est-ce que ça lui dit des interactions entre les organismes? Rien. Alors, on va essayer de faire justement un peu de taxonomie, ou en tout cas un peu d'onomastique. Qu'est-ce que c'est les grands fonds? Qu'est-ce qu'on appelle les grands fonds? Comment ça s'organise? Comment est-ce que c'est classifié tout ça, Françoise Gaille? Au départ, c'est les grands fonds, c'est au-delà de 200 mètres, puisque c'est à peu près la limite de la lumière solaire dans les océans. Alors, il y a des discussions, ça peut aller jusqu'à 500 mètres, à partir de 500 mètres, etc. Mais finalement, les grands fonds, c'est tout ce qu'on ne voit pas, et tout ce qui est difficile à explorer avec les moyens habituels. C'est pour ça, pour rebondir sur ce que disait Claire, elle a tout à fait raison. C'est à partir du moment où on a eu la possibilité d'aller en sous-marin qu'on a pu aller voir ce qui se passait. Mais ces grands fonds, ils s'organisent comment, par exemple? Est-ce qu'on a une idée de la profondeur moyenne des océans? Est-ce qu'elle est la même dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Austral? Non, bien sûr. Alors, la profondeur moyenne des océans, elle est 3800 mètres de mémoire. Donc, de toute façon, la profondeur moyenne, elle est déjà très, très profonde. Alors, évidemment, le Pacifique, c'est là où il y a le record du nombre de fosses qui sont très profondes. La fosse des Mariannes à 11 000 mètres, etc. Et puis, évidemment, on sait que le Japon est entouré de fosses très, très profondes. Donc, cette zone-là n'a pas du tout le même aspect que, évidemment, l'océan autour de chez nous, l'Atlantique. Après, c'est vrai qu'on a tendance à parler des océans profonds et on met ça dans un même sac, alors qu'on parle quand même du plus grand milieu de la planète. Ça représente plus de 61%, vraiment les océans profonds, là où il n'y a plus de lumière. C'est 61% de notre planète. Alors évidemment, c'est comme si on disait la Terre, pour parler, on mettait dans le même sac la forêt tropicale, tout l'urbanisme, les champs, le désert. Non, il y a une plaine abyssale où il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue excitation. Je pense que Françoise a sans doute eu la chance de plonger maintes fois sur une plaine abyssale. Ça peut être des plongées assez mornes, alors que quand on va aux alentours, par exemple, des monts sous-marins, donc ces volcans sous-marins qui ne traversent pas la surface de l'eau, dont le sommet se trouve au moins à 200 mètres sous la surface, là, à cause des courants, puisque évidemment ça crée une espèce de gyre locale, du coup il y a une foison d'organismes vivants, donc on n'a pas, il y a des écosystèmes qui sont bien distincts. Donc on met dans le même sac les océans profonds de façon tout à fait injuste. Alors j'ai lu qu'il y a une classification empirique. On parle d'épipélagial, de mésopélagial, de bathypélagial, d'abyssopélagial et d'adopélagial. Ça correspond à quoi ces profondeurs-là? Qu'est-ce que c'est que cette classification, Françoise Gaillet? Ça c'est une classification qui date du 19e siècle. C'est une façon d'avoir une stratification du point de vue des profondeurs avec des animaux correspondants à leurs limites géographiques du point de vue de la profondeur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait Claire, il y a un océan, profond, mais cet océan profond abrite une diversité d'écosystèmes qui est inimaginable. Et c'est justement ça qui est sans doute le moins connu. On se représente l'océan profond comme un grand sac de billes, où il y aurait plein de choses, mais enfin très peu finalement, on ne les connaît pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable justement de savoir que dans différentes zones, et suivant l'âge des océans, le Pacifique par exemple est l'océan le plus récent, et c'est celui qui a la diversité d'écosystèmes le plus impressionnant. Si on regarde par rapport à l'océan Atlantique, par exemple, c'est vrai que l'océan Pacifique aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances, apparaît comme fantastique. Alors, pour parler un peu des caractéristiques aussi de ces océans et de ces grands fonds, est-ce qu'ils sont, je le disais tout à l'heure, Claire Nouillon, est-ce que c'est la même salinité, la même température entre les différents océans? Est-ce qu'on retrouve des caractéristiques similaires en dehors des écosystèmes qui sont bien sûr différents? Alors, globalement, il fait froid. Il n'y a pas de lumière. Toujours, il fait froid, il fait faim. Et c'est ce qu'il disait avec toujours beaucoup d'humour. Globalement, c'est une température qui est à 2 degrés, on va dire entre 2 et 4 degrés. Mais évidemment, la mer Rouge, par exemple, profonde, elle est à 13 degrés. Donc, on n'est pas du tout, alors qu'on peut aller, on va atteindre d'assez grandes profondeurs. Mais donc, évidemment, si une mer est assez petite et fermée, même si elle est profonde, elle va être beaucoup plus chaude. Mais globalement, c'est évidemment l'absence de lumière. Et donc de nourriture, il n'y a pas de nourriture autotrophe, donc on est quand même dépendant, à part dans le cas des chimiosynthèses, qu'elles soient d'origine hydrothermalisme ou méthane, en gros on dépend de ce qui va tomber de la surface. Et ça c'est une grande caractéristique qui est commune avec le froid, l'obscurité et l'absence de nourriture. Alors on va préciser tout de suite, puisque vous parlez de chimiosynthèse, effectivement, puisqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a donc pas de photosynthèse. la photosynthèse est remplacée donc par la chimiosynthèse. Qu'est-ce que c'est qu'exactement cette chimiosynthèse? Mais alors, elle n'est pas remplacée parce que, alors, attention, les écosystèmes chimiosynthétiques, en effet, on a découvert en 1977 qu'il y avait des sources hydrothermales. Donc, il y a des endroits, il y a des, en fait, craquelures. Donc, tout ça revient évidemment à la question de la tectonique des plaques, puisque la Terre bouge, c'est un élément dynamique. Les plaques peuvent s'écarter par endroits ou être en zone d'accrétion. Et donc, quand il y a quand ça bouge, il y a des fissures qui sont générées dans le basalte. L'eau de mer s'infiltre dans ces fissures, elle se réchauffe près des chambres basaltiques très chaudes et elle ressort sous pression. Et comme elle est chaude, elle se charge de toutes sortes de gaz qui sont dissous, de minerais, etc. Et donc quand elles ressortent, elles peuvent être des fluides qui sont très très chauds et on a découvert de la vie autour de ces fluides. Et ça, c'était donc 1977, la révolution scientifique. Donc je pense que des émotions très fortes au CNRS, à l'Ifremer et chez les Américains qui avaient découvert ça. Mais ça représente un tout petit pourcentage des écosystèmes profonds. On pense moins de 2%. Donc les océans profonds sont globalement très lent, les métabolismes sont très ralentis des animaux parce qu'il n'y a rien à manger. Et l'exception à la règle, c'est cette exubérance de l'hydrothermalisme sous-marin. Mais c'est vraiment pas la règle dans les océans profonds, même si c'est fascinant. Oui, d'ailleurs, moi je pense que on disait morne plaine, voilà, l'abyssal pour du point de vue classique avant les années 80 était considéré comme un désert azoïque, où il y avait quelques animaux comme qui se battaient en duel dans certains cas, mais il y avait une bonne théorie qui était la théorie de Sanders, la théorie dite de stabilité, qui était la suivante: comme il n'y a plus rien à manger dans ces zones-là et que finalement l'environnement va peu, à ce moment-là, toutes les tendances évolutives peuvent exister et on a une très grande biodiversité. Donc on a beaucoup de petits animaux dépigmentés et puis un très grand nombre d'espèces. Et au moment où on a découvert les sources hydrothermales, ça a été tout l'inverse. C'était une vraie découverte puisque c'était la remise en cause de la théorie dite de stabilité de Sanders. C'est ce que je dis, en fait, quand je faisais des visites guidées dans mon exposition sur les abysses que j'avais montée avec le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et qui a voyagé partout. Ce que je disais, en fait, c'est représentez-vous en effet les plongées dans les océans profonds comme quelque chose de pas du tout excitant quand on le fait une seule fois, mais de immensément excitant si vous le faites pendant 25 ans parce que vous allez voir une collection de spécimens et de créatures de toutes formes de couleurs, de tailles, d'espèces différentes. Mais en revanche, une seule plongée est assez ennuyeuse. En revanche, l'hydrothermalisme, c'est un nombre assez limité d'espèces. Jusqu'à présent, on n'en a pas découvert tant que ça, mais il y en a quand même un certain nombre. On ne parle pas du tout de millions d'espèces pour l'instant. En revanche, une concentration qui est l'inverse de ce qui se passe dans le reste des écosystèmes profonds. Ce qui est intéressant, j'aimerais qu'on dise aussi un peu un mot de la... Puisque vous avez parlé des plaines abyssales, de l'hydrothermalisme, on a parlé aussi des monts et des fosses. La topographie de ces grands fonds est extrêmement variée. Finalement, elle est aussi variée qu'à la surface. Certains de ces grands fonds étaient d'ailleurs à certains moments à la surface, Françoise Gaille. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment des grandes fosses, donc c'est l'équivalent. Si on regarde en fait la distribution de la hauteur de tout ce qui est terrestre, continental, et de tout ce qui est marin, on a à peu près la même chose du point de vue de la profondeur par rapport à la hauteur des montagnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très varié. Et les grands fonds marins eux-mêmes sont relativement variés sur des courts espaces, ou est-ce qu'au contraire c'est des longues plaines abyssales avec de temps en temps des petits spots différents? Alors là, on revient à votre question sur la cartographie et le niveau de précision de la cartographie. Parce que par exemple, les monts sous-marins, on estime qu'il peut y en avoir, aujourd'hui on en connaît, on va dire 100 000 à peu près, mais on estime qu'il peut y en avoir beaucoup plus. Parce que pour le coup, la cartographie n'a pas été précise au point de pouvoir cartographier chacun de ces volcans sous-marins. Et du coup, ça fait des ruptures qui sont radicales dans la plaine abyssale. Quand tout à coup, en effet, il y a une montagne qui se dressent devant vous, ou des sites hydrothermaux. Par exemple, il y avait ce site fameux qui s'appelle Lost City, la cité perdue, avec des monts carbonés gigantesques, avec des cheminées de 60 mètres qui ont été formées par des fluides hydrothermaux. Ça fait une rupture radicale dans la morne plaine. Et justement, à propos des espèces, on en a répertorié environ 250 000. On sait combien il y en a qu'on ne connaît pas. C'est difficile, Claire. C'est la même question que pour les insectes. C'est sur la base de calcul. Donc, il y avait la fameuse étude de Grachelet et Maciolek, en 92, qui avait calculé et fait une estimation à partir d'un échantillon de 50 mètres carrés. Ils avaient regardé vraiment dans la microfaune, la méliofaune, la toute petite faune dans le sédiment pour voir quelle était la diversité d'espèces. Et sur 50 mètres carrés, ils avaient trouvé une telle diversité qu'en faisant cette extrapolation à tous les océans, on arrivait à des chiffres absolument vertigineux qui ont été beaucoup remis en cause. Bon, on sait qu'on parle quand même a priori de millions d'espèces. De là à ce que ce soit des centaines de millions, peut-être pas. Mais des dizaines peut-être. En tout cas, comparable à la diversité des forêts tropicales et des insectes, oui, sans doute. Oui, il y a d'ailleurs une chose qu'on se une question qu'on se pose actuellement, puisque si on regarde le nombre d'espèces qu'il y a sur les espaces continentaux comparé à ce qu'il y a dans les océans, c'est très faible. Et ce qu'on ne sait pas encore très bien, c'est est-ce que c'est dû justement à la méconnaissance de cet océan profond qui fait qu'on n'aurait pas encore identifié un certain nombre d'espèces, ou est-ce qu'il y aurait d'autres raisons qui feraient que la diversité, la biodiversité serait pas la même ? C'est une question ouverte. Oui, eh bien, justement, cette biodiversité, donc on l'entend, est assez mal connue, et c'est pour cette raison que l'IFREMER a lancé le programme Pourquoi pas les abysses. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour mesdames, bonjour à tous. Et vous avez rencontré précisément l'une des responsables de ce projet. Oui, j'ai rencontré Sophie Arnaud-Ahon, qui est l'une des porteuses scientifiques du projet Pourquoi pas les abysses lancé par l'IFREMER. Comme vous le savez, c'est très compliqué de se rendre dans les grandes profondeurs, et c'est pour cette raison que l'IFREMER va procéder à un échantillonnage d'un type un peu particulier, vous allez l'entendre. L'objectif de ces relevés sera d'accélérer la découverte d'une biodiversité des abysses largement méconnue. Ensuite, il s'agira de comprendre les connexions entre les espèces des grands fonds et leur évolution. Et pour finir, l'IFREMER réalisera une caractérisation temporelle des écosystèmes des abysses et mesurera les pressions exercées par l'homme sur ces milieux. Et toute la difficulté, Antoine, de l'exploration des grands fonds, c'est l'extrême pression qui règne à mesure que l'on descend. Exactement, et on n'a pas facilement accès à ces zones, mais pourtant, on commence déjà à prospecter dans ces abysses et on commence à viser les ressources minérales, notamment, qui sont présentes dans ces grandes profondeurs. Pour en savoir plus donc sur ce projet Pourquoi pas les abysses, je vous propose qu'on retrouve Sophie Arnaud-Ahon de l'IFREMER, que j'ai rencontrée à la Maison des Océans à Paris. Le projet Pourquoi pas les abysses, il est issu de ce constat qu'on a besoin d'une meilleure connaissance de la diversité marine, que la description d'espèces, donc quand on revient de campagne et qu'on rapporte des espèces, prend excessivement longtemps, la description sur la base des critères morphologiques prend beaucoup de temps, que d'après les estimations qu'on fait de la diversité qui reste à décrire en mer, il faudrait encore 10 000 ans de taxonomie morphologique pour arriver à décrire l'essentiel des espèces qui restent à décrire, et que on n'a pas ce temps. On s'est tourné vers une avancée fantastique qui est celle des outils moléculaires. Depuis une petite dizaine d'années, on a maintenant accès à des capacités de séquençage qui sont dites massives. C'est ce qu'on appelle les nouvelles générations de séquençage. Et donc, ces avancées ont permis de mettre au point un certain nombre d'outils, de protocoles et de méthodes qui permettent aujourd'hui, à partir d'un échantillonnage qu'on appelle environnemental, c'est-à-dire un échantillon de sédiments ou d'eau, d'extraire tout l'ADN qui est présent, de le filtrer, d'essayer d'obtenir l'ADN qui est représentatif des organismes qui habitent le milieu qu'on a échantillonné ou qui y sont passés. Et donc, à partir de ces échantillons d'eau ou de sédiments, d'air même, on extrait l'ADN et on le séquence de façon massive. Et donc, on peut avoir accès à des inventaires de biodiversité qui, sans nous donner la morphologie de l'espèce si elle n'est pas décrite, nous permettent d'identifier la présence d'espèces, soit déjà connues et décrites, soit nouvelles. La difficulté d'accès n'est pas seulement d'accéder à des grandes profondeurs ou d'accéder à des zones inconnues, elle est également la difficulté de réunir les moyens qui nous permettent d'aller à différents endroits dans le monde pour couvrir la surface du globe et le plancher océanique d'une façon qui soit représentative de la diversité des écosystèmes qui s'y trouvent et de la diversité des profondeurs auxquelles on peut toucher le sol. Dans l'intitulé même de ce programme-là, Pourquoi pas les abysses, il y a une petite référence à Jean-Baptiste Charcot qui naviguait à bord du Pourquoi pas. En quoi est-ce que c'est une aventure encore pour nous de découvrir ces régions méconnues ? J'aime bien faire une analogie qui est celle de l'invention du microscope et de la façon dont on voyait la vie avant et après l'invention du microscope. Ces nouvelles générations de séquençage nous donnent accès à quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. le titre du projet, Pourquoi pas les abysses, est effectivement une référence aux grandes explorations de Charcot et aux grandes découvertes de l'inconnu qui ont été réalisées par ce grand explorateur. Et c'est aussi une façon de souligner que les abysses sont une zone de recherche négligée d'une façon générale, et bien qu'elles constituent un des plus grands biomes de la planète, elles ont été finalement assez peu étudiées au regard de leur étendue et de la quantité de diversité qu'elles renferment et de mystères qui s'y cachent encore. Pourquoi est-ce que les écosystèmes des abysses sont particulièrement fragiles ? Alors, les écosystèmes des abysses sont suspectés d'être particulièrement fragiles parce qu'ils se trouvent dans des zones qui sont très stables, donc qui sont en général à très faible température, qui ne font pas l'objet d'une perturbation régulière, où la couche d'eau n'est pas toujours renouvelée de façon fréquente. Et donc, par exemple, lors des campagnes de prospection dans les zones anodules du Pacifique, ces campagnes ont lieu depuis une trentaine d'années. Et donc, les collègues qui font partie des expéditions qui retournent de façon récurrente sur les zones anodules du Pacifique se sont aperçus qu'une drague qui avait été passée il y a 26 ans avait laissé une trace qu'on voit encore dans les zones anodules et qui n'a toujours pas été recolonisée. Donc ce sont probablement des zones où les conditions environnementales sont très stables et donc qui renferment des ensembles d'organismes qui sont très peu habitués au changement et très peu adaptés au changement. Les principales menaces qui pèsent sur l'environnement profond dans sa globalité, c'est d'abord une destruction directe, la destruction directe de l'habitat par le biais d'un certain nombre de pratiques de pêche notamment. On parle aussi de plus en plus du déploiement des câbles sous-marins. 95% des communications Internet de la planète passent par les océans. Donc ça fait beaucoup de câbles, même si un câble c'est petit. Il y a également le fait que les abysses sont finalement un puits dans lequel se retrouvent toutes les choses qui sont rejetées de la Terre. Donc on a beaucoup de zones de rétention des déchets. Est-ce qu'on connaît les abysses d'un point de vue cartographique aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ont été cartographiées de façon exhaustive ? Alors 95% des océans est encore resté à l'abri des observations et des cartographies à très forte résolution. À titre indicatif, on a mieux cartographié à l'heure actuelle la Lune et Mars à plus haute résolution qu'on a cartographié la Terre. Vu de loin, on a l'impression que si on descend dans les abysses, on va pas voir grand-chose et on va pas croiser beaucoup de monde. Est-ce qu'on se trompe ? Alors on se trompe et on ne se trompe pas à la fois. Quand on est descendu dans les abysses sur des anomalies géologiques, on a découvert les sources hydrothermales, on a découvert les sources de fluides froids et on a fini par découvrir également les monts sous-marins et les récifs coralliens. Et donc on a découvert des oasis de vie en plein désert, puisque la plaine abyssale ressemble effectivement à un désert. Mais si on échantillonne le sédiment dans les abysses, on y trouve une très grande diversité d'invertébrés. Qui font partie des cycles biogéochimiques, qui font partie des cycles du vivant en mer et qu'on connaît très mal. Et en revanche, pour un mètre carré de sédiments des abysses, on trouve finalement à mètre carré égal une diversité qui peut surpasser de beaucoup la diversité qu'on peut trouver sur la même surface dans des zones hydrothermales ou dans des zones de fluides froids. Françoise Gaye, je vous voyais réagir en tout cas à l'extrême fragilité qu'on entendait dans le reportage de ces écosystèmes sous-marins profonds. C'est parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord ou... Par exemple, moi je pense que c'est vrai en partie, mais uniquement sur les plaines. Et en plus, tout ce qui est benthique, puisque ce sont les Allemands qui ont étudié justement les activités, les conséquences de l'activité anthropique sur la biodiversité autour des nodules. Alors les nodules, il faut préciser ce que c'est, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, il faut réexpliquer un peu ce que sont ces modules polymétalliques. Oui, c'est des gros cailloux qui sont censés avoir une grande concentration de métaux intéressants pour notre économie. Et qui sont dans certaines zones bien particulières de plaine abyssale, justement. Et puis, oui, je réagissais parce que finalement, si on regarde les écosystèmes associés aux dorsales, comme d'ailleurs les écosystèmes associés aux suintements froids, c'est pas vrai, ce sont des écosystèmes qui montrent des capacités d'adaptation du point de vue de leurs organismes absolument remarquables. Et justement, c'est d'ailleurs le résultat d'une évolution que d'avoir un certain nombre d'espèces susceptibles de pouvoir résister à températures, à des toxicités, à des acidités, à des anoxies totales. Bon, voilà, donc c'est pour ça que je réagissais par rapport à ça. Alors, on reparlera de ces micro-organismes extrémophiles. Juste redire un mot pareil aussi pour bien définir les choses. Qu'est-ce que c'est que ces suintements froids, Claire Nouvian? Les suintements froids, tu penses au méthane? Oui, par exemple. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de les appeler. Donc, c'est les endroits où il y a du méthane qui s'échappe, c'est ça? Oui, il y a une émission de gaz, en fait, qui sont en général près du plateau continental. Voilà. Et donc, ça crée des écosystèmes chimio-synthétiques, sauf que c'est pas forcément du sulfure d'hydrogène qui est à la base de la nouvelle chaîne alimentaire, mais ça va être du méthane. D'accord. Alors, on va plonger un peu plus ensemble, de plus en plus profondément dans ces bas-fonds océaniques. Comment varie en fait la faune et la flore à mesure que l'on descend? Comment on l'observe varier en fonction des profondeurs, Claire Nouvian? Ça, c'est vraiment c'est l'objet de d'une expérience assez rigolote quand on est en plongée profonde, en fait, parce qu'on voit vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est très marquant d'un point de vue visuel. Parce qu'en effet, on commence dans du bleu quand on est en sous-marin, enfin dans un submersible. C'est vraiment tout bleu. Donc quand on part, quand on quitte les 20, 30, 40, 50 premiers mètres, après tout devient bleu. Et ça reste bleu vraiment pendant assez longtemps, jusqu'à 400, 500, 600 mètres. Tous les organismes sont transparents. Et donc on voit vraiment la biomasse, elle est dominée par des organismes gélatineux. Hein, donc les siphonophores, les cténophores, toutes sortes de cnidaires en fait, donc voilà, des méduses, etc. Et quand on arrive vers 500, 600, 500 mètres, 600, 700, au-delà mètres de profondeur, on voit que les animaux ont de nouveau une peau opaque, donc elle peut être rouge foncé, elle peut être rose, elle peut être noire ou marron, enfin le noir pur n'existe pas dans la nature, mais c'est souvent du marron très foncé. Et donc on voit en fait que l'opacité revient, parce que de fait, dans cette zone qui est exposée à un éclairement, même s'il est faible, c'est évidemment, on se met dans une position de fragilité extrême, parce qu'on devient vulnérable, parce que les animaux qui se trouvent sous nous, eux, ils vont se servir de la surface un peu éclairée des océans comme d'un théâtre d'ombre chinoise. Donc nous, on va être découpés comme une ombre. Donc si on est là avec son corps opaque, on se fait évidemment repérer. Donc il y a toutes sortes de stratégies, notamment dans la bioluminescence, des photophores ventraux sur les poissons, par le petit poisson H, qui est vraiment le poisson caractéristique des grands fonds, qui s'adaptent. Et comme les avions de guerre, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions, pour masquer leur présence, avaient un système de lumière sur le ventre de l'avion pour ne pas se découper comme ça dans certaines conditions d'éclairage. Et donc après, on arrive vers 600, 700, 800 mètres et au-delà, on voit des animaux qui ont des traits spectaculaires, puisque les dents vont être plus grandes, plus acérées, les yeux vont être plus gros. Dès lors qu'il y a la possibilité de continuer à attraper quelques photons de lumière, ça suffit. Et là, on voit que les stratégies de survie, ça va être de voir très bien. Donc ça va être des yeux énormes pour capter de la lumière ambiante. Et ensuite, quand on arrive au-delà de 1000 mètres de profondeur, les yeux ne servent plus à grand-chose. Et donc on repart sur des animaux qui ont des yeux minuscules. C'est à peine si on les voit. Par exemple, le poisson ogre, le Anoplogaster, il a des yeux tellement petits. Non, c'est pas le Anoplogaster, je confonds avec tous les poissons, les cérates, donc toutes les petites baudroies abyssales, Mélanocétus, etc. Ils ont des yeux tellement petits et noirs que sur la peau noire du poisson, il faut quand même vraiment se concentrer pour trouver l'œil. Donc voilà, vraiment des caractéristiques assez. On voit des caractéristiques très très particulières. Et les poissons les plus gros en taille, ceux qu'on va attraper commercialement parce qu'il y a un petit peu de chair à manger dessus, sont des animaux qu'on va trouver vers le fond, donc des animaux benthiques. Françoise utilisait ce mot tout à l'heure pour les animaux qui vivent proche du fond. Alors que les animaux qui vivent, les poissons entre deux eaux... À quelle profondeur, à 3008, aussi bas que ça? Non. Alors, il y a des poissons jusqu'à... le fils de Picard a dit avoir vu un poisson à 11 000 mètres de profondeur. Tout à fait. Donc, ouais, des vertébrés jusqu'au fond des fosses. Racontez-nous un peu vos expériences, Françoise Gaille, de cette variation de la faune et de la flore en fonction de la profondeur et des descentes que vous avez faites. Mais alors moi j'étais la première fois que j'ai plongé, je trouvais ça tellement extraordinaire que en effet je trouvais ça tout bleu comme tu viens de le dire. Et puis ensuite, alors j'ai commencé avec les Américains et alors à ce moment-là ils mettaient à tue-tête la musique pour que Bon, c'était leur véhicule. Donc, on avait une musique à tue-tête et donc on était un petit peu pris, oui, sonné, groggy. Ouais. Mmh. Et à partir d'un certain moment, le noir scintillant comme la Tour Eiffel en ce moment, quelquefois la nuit, était quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment ce noir étoilé des abysses apparaît, mais comme quelque chose qu'on n'a jamais vu de sa vie. Et ensuite, il y avait un autre moment aussi absolument extraordinaire, c'est le moment où il coupe la musique, parce qu'on va arriver, sur le fond. Et là, c'est un silence encore plus formidable parce qu'il y a eu cette musique à tue-tête auparavant. Et on a l'impression d'amériser, ce que j'appelle, arriver vraiment avec une souplesse, une lenteur, comme dans les tableaux de Tanguy, sur une près d'oasis de couleurs, en fait. Quand on met la lumière et qu'on arrive justement par la chance d'arriver le long des dorsales océaniques. C'est vrai que ça change tout. C'est vrai que j'ai plongé aussi avec des Américains et au début ils mettaient les phares. Donc dans la zone bleue, tout est bleu, c'est formidable, tout est bleu, on est bleu, tout le monde est bleu. Bon, c'est le pays des Schtroumpfs, ok. Et ensuite, quand on arrive dans le noir et ils mettent les phares, donc on voit les organismes gélatineux passer, etc. Et quand ils coupent les phares, là c'est le plus beau spectacle c'est beau. Du monde parce qu'on est dans la bioluminescence de toutes parts. C'est-à-dire que chaque organisme qu'on rencontre et qu'on déloge et qu'on gêne va émettre de la lumière. Donc c'est un feu d'artifice. Ah, c'est scintillant. Incroyable. Et toute forme de scintillement avec des longueurs de scintillements différents, des formes. Ça part en étoiles, ça part en pointillés. C'est incroyable. Dites-moi, je suis curieux de savoir du coup l'une et l'autre, parce qu'on parle souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, Claire Nouvian, de l'étrangeté des formes, des aspects de ces créatures sous-marines profondes. Quelle est celle que vous avez croisée qui vous a le plus surpris l'une et l'autre? C'est la créature, je ne sais pas, emblématique de ces océans profonds pour vous? Moi, vraiment, c'est difficile à dire parce que j'ai un chouchou. Moi, d'abord, j'adore les céphalopodes, donc j'avoue, j'ai un petit faible pour les pieuvres. Et j'ai, comme tous ceux qui regardent à un moment donné les abysses d'un peu près, en étant un novice comme moi, parce que j'ai pas du tout une formation scientifique, donc c'est quand même les poulpes Dumbo qui m'ont interpellée. Enfin, les grandes oreilles, on pense que ce sont des oreilles, en fait, évidemment, ce sont des nageoires. Et donc, les poulpes Dumbo m'avaient pas mal interpellée. Donc, c'est vrai que le jour où on a ramené un poulpe Dumbo à bord du bateau, un petit poulpe rose, joli, comme c'est pas possible, d'une fragilité. On voit bien, sa peau est gélatineuse. Donc, il est d'une vulnérabilité extrême et gracieux. Et on se rend compte que ces animaux se font dévaster, en fait, par nos activités brutal. Et en fait, on voit bien, d'après ne serait-ce que leur peau, qu'il n'y a absolument aucune possibilité, il n'y a pas d'équation possible entre la fragilité de ces animaux et la brutalité de nos technologies, en fait. Donc ça m'avait marqué, mais c'était très émotionnel. Après, les monstres, ils sont quand même vraiment marquants. On a attrapé un énorme requin dormeur, un lémarque dormeur, une fois, dans un chalutier de pêche en Nouvelle-Zélande. Et remonter un énorme requin de plus de 20 mètres ou 13 mètres, c'est une énorme bête, ça remplissait tout le pont. Ça aussi, vous voyez cet animal qui remontait de 2000 mètres de profondeur et qui respirait à peine. Et il a fallu le jeter comme une poubelle par-dessus bord. Ça, oui, ça a été assez marquant aussi. On va demander à Noémie de Naguet de Saint-Villefranc, qui s'occupe de tweeter en direct l'émission, de mettre quelques photos de ces espèces. Ah ben voilà, elle le fait en direct. C'est magique. Grâce à sur Twitter, le compte @laméthodef. C'est vous, Françoise Gaille. Alors j'hésite entre Alvinella pompeiana et Riftea pachyptila. Parce que Alvinella pompeiana, c'est vraiment le métazoaire qui vit le plus proche de la paroi de la cheminée. Ça ressemble à quoi? Qui ressemble à vous, je ne sais pas si vous connaissez vous êtes pêcheur, vous savez. Plongeur, mais pas pêcheur. Mais je ne plonge pas aussi profond. Il y a les arénicoles le long sur les plages là que les pêcheurs utilisent pour attraper les poissons. Bon, ça ressemble un peu à un ver, si vous voulez, mais très poilu. très hirsute en fait, et blanc quand il est jeune, et il devient noir quand il est vieux. Et puis l'autre qui est géant, alors plus grand que moi, plus grand que vous, etc., qui s'appelle Refia Pachiptila, qui est vraiment un animal improbable, avec une tête rouge, même s'il n'y a pas d'yeux, et qui vit dans un tube absolument blanc, immaculé. Alors, puisqu'on parlait justement de ces plongées profondes, je vous propose de plonger justement dans les archives du CNRS Images, comme chaque jour. L'archive du jour date de 1997, c'est un extrait du film Bactéries de l'extrême. Vous allez y entendre le microbiologiste Daniel Prieur qui raconte sa mission à 3500 mètres de profondeur. C'était à bord du Nautile, le sous-marin de l'Ifremer. À bord du sous-marin, il y a trois personnes. Il y a le pilote, le copilote et l'observateur scientifique. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer, puis tout d'un coup, on descend. On descend, et là, la lumière bleue, claire, diminue progressivement. On est, au bout de quelques minutes, on est dans le noir total, et puis on ne bouge presque plus. On entend simplement quelques petits bruits des appareillages à l'intérieur du Nautile. C'est le calme complet, vraiment la sérénité. Et on se dit, enfin, ça y est, on est en train de descendre. Et cette descente, elle va durer une heure et demie, selon la profondeur. On arrive au fond, on se réveille, le pilote allume les lumières, la surface nous indique si nous sommes près ou non de la cible, et là, on se met le nez sur le hublot et on commence à regarder, et on ne quittera pas cette position pendant les 4-5 heures que vont durer la plongée, tellement le spectacle est fascinant. Et puis, tout d'un coup, en approchant, on commence à avoir quelques petits indices. Ces indices, ce sont des crustacés un peu plus importants. Ce sont des particules. L'eau devient un petit peu plus trouble. Et puis, le spectacle est là. On est tout d'un coup nez à nez, soit avec des animaux, soit avec les fumeurs, où on voit l'eau chaude, l'eau noire qui s'échappe de ces fumeurs, un peu comme le panache d'une locomotive. Et là, on est vraiment captivé à la fois par cette activité minérale, et aussi cette activité biologique, en particulier dans l'Atlantique, où des millions de crevettes nagent en rang très très serré autour des cheminées hydrothermales actives. Voilà, c'était l'archive du jour du CNRS Images. Si vous voulez, vous pouvez la retrouver comme chaque jour sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et puis comme chaque semaine, la vidéo embarquée du CNRS Images cette semaine, c'est Abyss Box, l'œil des profondeurs, un film de 2012 que vous pouvez retrouver sur notre site. Une réaction à cette archive-là, on entend ces premières sensations de voir d'un seul coup que ça commence à s'agiter. On parle de neige des profondeurs, Claire Nouvian-Jallu. Oui, ce sont les petites particules organiques qui chutent de la surface, à moins que là, il parlait de sites hydrothermaux et du coup, peut-être de la précipitation minérales. Des particules qui sont dans les fluides. Mais bon, ça peut... La plupart du temps, quand on parle de neige marine, on parle en général plutôt de de tout ce qui trouble la vision, mais c'est toutes ces particules organiques qui vont en fait servir de nourriture à l'ensemble des animaux. Et puis, il y a un autre élément qui est important, dont on peut dire un mot, et puis ensuite, on parlera des plus petits micro-organismes, de ces micro-organismes extrémophiles, c'est les carcasses de baleines qui joue un rôle important aussi dans le développement des écosystèmes profonds. Oui, alors François Gaille. Oui, ça c'est assez intéressant parce que les écosystèmes chimiosynthétiques, on les a découverts dans le marin avec les sources hydrothermales. Et puis petit à petit, après, on a découvert les suintements froids dont on parlait avec Claire tout à l'heure. Et puis finalement, on s'est posé la question, mais bon, on connaît comme ça dans une immensité des sites de chimiosynthétiques, mais par exemple, les larves, on ne sait pas très bien ce qu'elles deviennent. Et finalement, comment est-ce que la biodiversité peut-elle subsister ou sur des grands espaces? Et là, c'est Craig Smith des États-Unis, de Hawaï, qui a identifié le fait que sur des carcasses de baleines, on pouvait trouver des espèces qui étaient similaires à ce qu'on trouvait dans d'autres écosystèmes chimiosynthétiques. Ça a été un grand moment. Un grand moment parce que ça voulait dire que là, c'était le vivant lui-même qui était capable de générer quelque chose qui, au départ, était généré par le minéral. Claire Neuvian. Oui, c'était c'est étonnant parce qu'en fait, une baleine, par exemple, une baleine bleue, c'est 30 mètres, c'est une masse organique gigantesque. Donc, elle prend ça prend déjà vraiment très longtemps pour réduire toute la masse organique pure, hein, la chair, les muscles, etc. Et là, c'est de la décomposition classique, hein, avec des tas d'animaux, des charognards, hein, qui viennent manger ce qu'il y a à manger. Mais ensuite, la baleine a des os absolument énormes et les ossements de la baleine sont très riches en lipides puisqu'ils sont énormes. Et donc cette matière, ces matières lipidiques, en fait, vont mettre vraiment beaucoup de temps à se décomposer. Et ça se fait en milieu anaérobie, en fait. Donc il y a des bactéries qui, en fait, vont aller attraper cette graisse à l'intérieur de la baleine et vont la décomposer. Et donc ça émet, en fait, il y a des bactéries qui sont aussi chimiosynthétiques à partir d'un ossement de baleine, simplement parce qu'il y a cette matière organique abondante qu'on ne peut pas réduire en très peu de temps. Donc les bactéries, en fait, à partir de là, on voit bien qu'à la fin, au bout de 90 ou 100 ans, une baleine bleue, ça devient un écosystème chimiosynthétique. C'est complètement dingue. Il faut un quart de siècle, en fait, pour décomposer un os de baleine. Et on a trouvé justement des cousins d'Alvinella pompeiana sur ces os de baleine, puisque des annélides, qui sont très, très bizarres, vivent après les bactéries, grâce aux bactéries, sur ces ossements. Eh bien, puisque vous évoquez ces bactéries, justement, on va continuer à descendre, mais cette fois dans la taille, et évoquer tous ces micro-organismes qui survivent dans des conditions extrêmes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Déjà 16h43 sur France Culture, vous écoutez La Méthode Scientifique. Vous pouvez, comme chaque jour, nous suivre sur Twitter, @laméthodefc. Nous parlons des abysses que nous explorons, qui nous regardent. Et nous allons voir qu'ils nous regardent aussi et qu'ils nous regardent leur faire pas forcément du bien. Avec Claire Neuvian, nous en parlons. Claire Neuvian, fondatrice et présidente de l'association Bloom, et Françoise Gaille, biologiste CNRS et spécialiste des écosystèmes profonds océaniques. donc, on a parlé des grands organismes, de la beauté de la faune et de la flore océanique. Il faut parler aussi de l'extrême richesse des micro-organismes qu'on appelle extrémophiles. Dites-nous un peu, Françoise Gaille, quels sont ces micro-organismes et pourquoi ils sont si importants à découvrir? Bon, en fait, on les a appelés extrémophiles au départ parce que c'est à partir des échantillons autour des dorsales océaniques qu'on a trouvé des bactéries qu'on pouvait cultiver à des températures qui auparavant étaient impossibles, donc plus de 100 degrés, 110 degrés. Et donc voilà, déjà avoir un être vivant qui réagit aussi bien à, quand il est mis dans une bouilloire, c'est déjà extraordinaire. Bon, ça, c'est donc... et un niveau de pression, il faut rappeler que la pression à 3800 mètres est extrêmement forte aussi. Oui, bah, vous avez, pour par exemple 3800 mètres, vous avez 380 atmosphères. Donc ça veut dire que... Bon, mais par contre, il faut quand même savoir que la pression entraîne justement une réduction de l'effet de température aussi. Si vous avez des geysers d'eau chaude, c'est que vous voyez, c'est parce qu'il y a la pression qui permet encore à l'eau d'être, non pas sous forme de gaz, mais sous forme de... Parce que il faut dire que près de ces fameuses bouches hydrothermales dont on a parlé, où il y a vraiment tout un écosystème qui se développe, on trouve de la vie, on trouve même de la vie dans les bouches hydrothermales. C'est-à-dire que là, on est à combien de degrés, par exemple, dans ces bouches? 400. On peut attendre 400 degrés. En général, c'est 350 dans les fumeurs noires, mais on peut attendre 400. Et justement, oui, en effet. D'ailleurs, Daniel Prieur a été un des premiers aussi à identifier justement les espèces thermophiles de micro-organismes. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez unique. Mais aussi dans ces environnements, on peut avoir d'autres types de micro-organismes qui sont très bizarres du point de vue de la manière dont ils utilisent les sulfures en fonction d'une agressivité particulière de l'environnement, et qui montrent aussi qu'ils peuvent, dans quelque chose qui pourrait être a priori azoïque, permettre le développement du vivant, pas seulement des micro-organismes, mais en plus, après, d'autres espèces plus complexes, et où ils sont les pionniers. Et j'ai lu en préparant cette émission que l'année dernière, le forage le plus profond jamais réalisé au Japon a révélé la présence de ces micro-organismes jusqu'à 2446 mètres sous le plancher océanique. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on appelle la biosphère. Cette notion de biosphère profonde est quelque chose, je pense c'est quelque chose de formidable. Parce que on est en train de penser que justement sous la lithosphère, il pourrait y avoir encore tout un monde de vivants qu'on ne connaît pas et qui permettrait peut-être d'avoir des poches de résistance par rapport à différentes choses. Et pour, par exemple, le changement climatique, ben voilà, ça peut être... une des indications qui permettrait d'avoir, du point de vue des processus du vivant, des possibilités de recoloniser un ensemble océanique plus vaste. Ce qui est intéressant, et c'est ce que vous dites à demi-mot, Françoise Gaille, c'est que ces micro-organismes qu'on trouve donc sous le plancher océanique, dans la croûte terrestre, ouvre une hypothèse qui serait l'hypothèse de la vie intraterrestre, en fait. Oui, c'est moi ça. Je pense que sous la croûte, enfin en tout cas dans la croûte, en effet, il y a vraiment, comme un petit peu comme ce qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, les insectes dans l'ambre, là, c'est-à-dire dans la pierre, dans le côté complètement minéral de la vie qui pouvait être emprisonnée, et ben là je pense que du point de vue de la profondeur de la Terre, on atteint... pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où, en tout cas, mais on atteint quand même des kilomètres. Et ça, c'est extraordinaire. Vous évoquiez, j'aimerais qu'on en parle dans les 10 minutes et un peu plus qui nous restent, Françoise Gaille, vous évoquiez le réchauffement climatique. On a beau être très profond, évidemment, les abysses et les océans profonds sont victimes, eux aussi, de ce réchauffement climatique. On entendait tout à l'heure dans le reportage d'Antoine Beauchamp que ces écosystèmes sont très sensibles. Qu'est-ce qui est aujourd'hui exerce sur ces écosystèmes, Claire Nouvian, la menace la plus prégnante? Alors évidemment, le changement climatique pour les océans profonds, ça, s'il y a vraiment réchauffement climatique, hein, si le changement climatique se traduit par ce qu'on est en train de voir, une augmentation des températures, ça veut dire fonte des glaces, ça veut dire réchauffement des eaux de surface, ça veut dire qu'on ferme le robinet qui alimente en eau froide oxygénée les océans profonds. Donc on peut avoir une extinction de masse encore plus rapide dans les océans profonds que ce qu'on a en surface. Ça s'est passé dans le passé d'ailleurs, il y a 30 millions d'années à peu près. Donc il y a des extinctions de masse qui peuvent avoir lieu dans les océans profonds qui peuvent être assez décorrélées de ce qui peut même se passer en surface. Bon, il se trouve que, comme vous disiez, on est aussi en extinction de masse, surtout, ne vous inquiétez pas, on est en train de tout, vous y êtes. Mais ça, c'est un effet déjà direct. Après, en emprise physique spatiale, direct, l'activité de pêche qui a été donc quantifiée par des chercheurs comme la plus destructrice, c'est le chalutage profond, donc la pêche qui vient d'être interdite, enfin c'est pas encore effectif, mais qui est a priori va être bientôt interdite par l'Europe. Et donc là, parce que les filets ont un impact, une emprise au sol qui est spatialement plus importante que toute forme d'autres menaces. Par exemple, Sophie Arnaud-Aon parlait de pose de câbles, même la recherche scientifique a un impact au sol parce qu'on a quand même des protocoles d'échantillonnage assez impactants, mais rien à voir. On est à des milliers de fois plus impactant avec la pêche qu'avec une autre activité. Il faut repréciser en quoi consiste le chalutage profond. C'est une activité dans laquelle la France excellait par ailleurs. Oui, alors c'est quand on a en fait épuisé les stocks de poissons. Donc les stocks de poissons, c'est horrible. On dirait, on se croirait sur à la bourse. Mais les stocks de poissons sont des populations de poissons, les choses qu'on mange, et on a beaucoup surpêché. On continue d'ailleurs, et on a surexploité les populations de poissons qui étaient facilement attrapables à côté de nos côtes et en surface. Et donc à partir des années, à la fin des années 80, on a commencé à enfoncer nos filets de pêche de plus en plus profondément pour aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur attraper des poissons comme le grenadier ou l'empereur à l'époque. Aujourd'hui encore le sabre noir ou la lingue bleue. Et donc on attrape les poissons qui vivent proche du fond, puisqu'on a compris maintenant avec l'émission que les petits poissons qui vivent dans l'entre-deux eaux, ils n'ont d'intérêt que pour la farine. C'est ce qu'on appelle les pêches minotières, c'est aussi un autre gros problème. Mais voilà, la pêche qui se passe proche du fond, évidemment, c'est celle qui intéresse les marchés les stands de poissonniers. Et donc, on déploie des grands filets. Voilà, c'est des grands filets qui raclent les fonds et pour deux ou trois espèces en plus sur lesquelles il n'y a pas énormément de chair, et on rejette tout. On rejette tout. Voilà. On sacrifie une centaine d'espèces pour deux ou trois espèces qu'on va cibler commercialement. Et malheureusement, on n'a pas un impact seulement sur les espèces qu'on cible, parce que même les espèces qu'on cible se portent très mal. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a classé deux des trois espèces comme menacées d'extinction. Vous voyez, les choses se portent plutôt mal. Les quotas vont bientôt être fixés. Je parie que le ministre, comme d'habitude, va plutôt faire écho aux demandes des lobbies de la pêche industrielle plutôt que aux demandes des représentants de la biodiversité puis de la durabilité sur Terre. Mais donc, on a aussi un impact sur toutes les espèces qui sont attrapées. Donc, par exemple, les requins profonds qui sont tous menacés d'extinction, quasiment. Ça se passe vraiment très mal. Et malheureusement, pour toutes les structures tridimensionnelles, les récifs coralliens, mais les coraux. Parce que c'est vrai qu'on s'émeut avec l'idée qu'on détruise avec des énormes bulldozers sous-marins, parce que un filet il est tracté, mais c'est ça, c'est un bulldozer sous-marin qui passe dans des milieux extrêmement fragiles. Et on se dit, ah non, les récifs coralliens ça va pas du tout. Mais en fait, il n'y a que 6 espèces de coraux sur plus de 2500 ou 3000 qui vivent dans les grandes profondeurs seulement. Je ne parle même pas des coraux qui vivent en surface. Il n'y en a que 6 sur des milliers qui peuvent construire des récifs. La plupart des espèces, donc l'immense majorité des coraux profonds, vivent de façon isolée. Donc quand on fait passer ces grands filets, en fait, inexorablement, on détruit le grand livre de la vie. C'est un peu la bibliothèque d'Alexandrie de notre histoire biologique. Il y a une sensibilité aujourd'hui, Françoise Gaille, des pouvoirs politiques pour l'interdiction ferme et définitive de ce chalutage profond et pour la préservation des abysses. Oui, je pense que le ministère de l'écologie est très proactif dans ce domaine, et il y a une conscience aiguë de l'importance qu'il y a à préserver la biodiversité, en particulier marine. Et je pense que l'action de Claire Nouvian a été aussi pour beaucoup aussi dans cet aspect-là. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que, à part l'ONU qui a classé les fonds marins en patrimoine mondial de l'humanité, il n'y a pas de cadre contraignant juridique pour protéger ces océans profonds. L'ONU n'a pas classé tous les fonds marins en patrimoine mondial. Ça, ce serait une excellente nouvelle, là, c'est-à-dire qu'on fait la fête pendant, je sais pas, tout 2017, par exemple. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Ça se passe pour l'instant. L'ONU émet des résolutions. C'est ce qu'on appelle en anglais soft law, c'est du droit mou, c'est du droit international. Donc il est contraignant que à la bonne volonté des pays. On peut en effet poursuivre un pays auprès du tribunal de la mer international, mais en gros, c'est une nation qui doit en poursuivre une autre. Donc vous voyez, en gros, ça ne se passe pas. Donc les résolutions onusiennes émettent des recommandations très fortes de choses qu'on doit ou qu'on ne doit pas faire, mais c'est quand même malheureusement pas très suivi des faits. Et sur la pêche profonde en eau internationale, on voit bien qu'on a des résolutions magnifiques. Le langage, il est là, les éléments de langage sont parfaits. On voudrait les écrire, on ne les écrirait pas autrement. Malheureusement, il y a encore de la pêche très destructrice qui a lieu en haute mer. Donc au-delà de nos zones de juridiction nationale, et c'est d'où l'importance d'ailleurs du rôle de Françoise Gaille qui a l'oreille de la ministre Ségolène Royal, parce qu'en effet, en ce moment, le Canada, pas du tout le Canada malheureusement, l'Afrique du Sud a mis sur la table des négociations à l'ONU en ce moment à New York, une proposition très concrète pour dire, mais puisque l'Europe a interdit cette méthode de pêche éminemment destructrice qui est le chalutage profond, faisons de même au niveau international, au moins sur les monts sous-marins, donc ces hotspots, comme on dit, de biodiversité où il y a énormément d'espèces. Donc la France va être attendue pour soutenir cette proposition très positive. Oui, je pense qu'il faut savoir que ce qu'on appelle le patrimoine commun de l'humanité, c'est le sous-sol. Là, il y a vraiment quelque chose qui a été fait. C'est d'ailleurs, les États-Unis n'ont pas signé la convention. Comme la plupart des conventions internationales. Mais ça, c'est vraiment extrêmement important. Mais tout ce qui est au-dessus, toute la colonne d'eau, par exemple, nous n'avons pas actuellement de moyens d'avoir une gouvernance au niveau planétaire. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle BBNJ, qui est les négociations qui ont commencé déjà aux Nations Unies. Et qui vont s'échelonner sur encore 2 ou 3 ans. Un dernier mot, j'allais dire une note d'espoir, mais pas du tout. Les océans profonds sont menacés par le réchauffement climatique, par le chalutage profond, aussi par des problèmes de minage ou par des déchets, notamment d'enfouissement de déchets radioactifs, qui sont des pratiques qui existent encore, hein, Claire Nouvian, dans les océans alors, profonds. Oui, normalement c'est interdit, mais de fait ça a lieu. Hein, on a de tout temps jeté par-dessus bord nos déchets radioactifs. Je pense que la mer du Nord, le nord de l'Atlantique nord-est d'ailleurs, se porte pas très bien de ce point de vue-là. Puisqu'on a nos amis russes qui ne se sont pas vraiment gênés. Donc oui, en fait, on s'est rendu compte, d'ailleurs, il y a des calamars profonds qui sont vraiment des animaux qui vivent très peu de temps, on a retrouvé des concentrations des déchets plastiques, des concentrations de toxines, etc. Donc on voit bien que la pollution, évidemment, elle ne connaît pas de frontières. Mais donc que les océans profonds, comme on l'entendait dans le reportage tout à l'heure, sont des puits qui concentrent. Oui, en fait, en tout cas, on a toujours cette vision d'un écosystème qui est complètement à part, une jolie petite chose étrange, un peu monstrueuse. Mais non, tout évidemment est connecté. Hein, donc, il y a, ne serait-ce que par les migrations verticales, les animaux partout, dans tous les océans du monde, tous les animaux, quand ils ont un intérêt à le faire, changent d'étage. Ils se rapprochent de la surface, il y a forcément plus de nourriture à l'étage d'au-dessus. Donc, ils migrent. Et ne serait-ce que par ces migrations verticales, ça peut être sur plusieurs, ça peut être sur 1000 mètres ou 2000 mètres. Hein, on voit évidemment qu'il y a une partie de la biomasse qui est produite en surface qui va se retrouver encapsulée et apportée dans les grandes profondeurs. Donc oui, en fait, on a, comme sur toute chose, hein, je pense qu'on n'a pas que des bonnes nouvelles. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui assez de génie humain pour avoir des solutions en face de chaque problème. Je pense qu'on peut déployer 25 solutions qui marchent. Et on a un problème de structure de nos sociétés, de decision making, comme on dit, des prises de décision. Les intérêts politiques et les intérêts du capital ne vont pas là dans l'intérêt du long terme et de la gestion durable des choses. Eh bien, ce sera le mot pas très optimiste, mais tout de même le mot de la fin. Mille merci à vous deux. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Snaga de Saint-Lulfranc et Léo Quentin. À la réalisation, Elisabeth Miro. À la technique aujourd'hui, c'était Jean Frédérix. Et au droit d'auteur, Jean-François Souvilly.